Ouais, je dédicace cette chanson à l'abbé Pierre et à tous les gens qui se bougent, à toutes les assos. Yes, big up à vous. Mais comment peut-on accepter ça, de laisser des gens crever dans le froid? Mais comment peut-on accepter ça, de laisser des familles vivre sans toi? Oh mon Dieu, je n'y crois pas mes yeux. J'ai mal au cœur de voir ces gens malheureux. Ça me révolte et ça me rend nerveux de voir que le gouvernement ne fait rien pour eux. Un peu de compassion, t'as les viens de pire en pire, et dans les foyers